Bon allez, bienvenue dans notre nouvel épisode. Cette fois, c'est le spécial Saint-Valentin. Ta gueule. Cette fois, on est 6. Aujourd'hui, on a Walid qui revient. Salut Walid. Bonjour. Héloïse qui est toujours là. Bonjour tout le monde. Raphaël qui nous rejoint aussi. Avec plaisir. Émilie. Bonjour. Et Julien. Salut. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de films romantiques. Et tout le monde se marre Ou déjà. pas. C'est l'appréciation de chacun. Ça va être complexe. Émilie, c'est toi qui commences. D'ailleurs. Alors, donc moi j'ai pris le film Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Donc, Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, comme son nom l'indique, c'est la fin du monde Elle nous sépare. Et elle nous sépare. Donc c'est un film de 2012, qui est une comédie dramatique de Laurence Kafaria. Donc j'ai regardé, elle a fait 10 films, mais bon, c'est pas des blockbusters, quoi. Enfin, d'ailleurs, celui-là non plus. Donc c'est avec Steve Carell et Keira Knightley, entre autres. Donc en fait, l'histoire, c'est un astéroïde qui s'écrasera dans 3 semaines sur la planète, et personne ne va survivre, bien sûr. Et c'est un peu le film où on voit tout le monde qui va apprivoiser en fait cette fin du monde à sa manière. Et donc, c'est surtout le focus sur un mec qui s'appelle Dodge, qui est séparé de sa femme quand ils ont entendu qu'il y avait la fin du monde. Elle a décidé de le quitter. Donc, il se retrouve célibataire. Et en fait, il va décider, lui, d'aller chercher son amour d'il y a 25 ans, son amour de jeunesse. Et en fait, entre-temps, il rencontre une nana qui est en fait sa voisine, Penny. Et en fait, elle va un peu perturber son aventure à Dodge. Voilà. Donc, en fait, la réalisatrice qui a scénarisé aussi le film. Et en fait, elle voulait un petit peu faire un mélange entre science-fiction, fin du monde, et romantisme avec des gens complètement ordinaires. Il n'y a pas du tout d'effets spéciaux. C'est vraiment... c'est lisse, quoi. C'est lisse, c'est un peu... elle voulait faire un petit peu l'anti-Armageddon. Voilà. Donc, il n'y a pas du tout d'esthétique. Enfin, c'est pas... C'est simple. C'est un film simple avec... quelque chose une normalité, quoi. Donc, il y a des petites anecdotes. Donc, pendant le tournage... Donc, en fait, la première scène, c'est la vraie femme de Steve Carell qui joue le rôle. Et en fait, le jour où ils ont tourné la première scène, c'était en fait l'anniversaire de mariage, donc le jour où elle le quitte dans le film. Donc voilà. Et en fait, on n'a pas du tout dans ce film d'idée de temporalité. C'est-à-dire qu'on sait que c'est 3 semaines, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas quelle année. C'est un peu pour nous perdre un peu dans le déroulé, on perd l'espace-temps. Par contre, on nous rappelle régulièrement le compte à rebours. Oui, le compte à rebours, mais on n'est pas... C'est vraiment 3 semaines, mais on ne sait pas si c'est l'été, on ne sait pas si c'est l'année, on ne sait pas. Et une autre petite anecdote, donc le chien qui s'appelle Alistair, en fait, il y en a 4 qui vont jouer à tour de rôle, et ils sont récupérés de la SPA. Donc c'est le petit truc sympa... Donc après, ils les ont pas remis à la SPA, bien sûr, ils ont gardé. Ils les ont bouffés. Ou pas. Et voilà, c'est aussi un petit peu le fait de rencontrer l'amour, c'est une question de timing aussi. C'est-à-dire que bah, là, ils vont vivre un truc hyper intense pendant 3 semaines. Ils se connaissaient pas, alors que lui, voilà, il était parti sur son passé, sa femme qui l'avait quitté, son amour de jeunesse qu'il voulait retrouver. En fait, il avait un objectif et bah, comme quoi tout peut être chamboulé parce qu'il a rencontré la bonne personne et qu'ils vont vivre 3 semaines. Et donc ça se finit, c'est pas du tout happy end, hein, tout le monde... On la voit la scène où ça explose et tout. Ouais. Et donc je sais pas qui l'a vu, du coup. Bah, du coup, moi. Bah, c'est moi qui nous a raconté la fin. Tu nous as spoilé à fond. Ah, bah, c'était dur, tout est dans le titre en même temps. Hein. Voilà. C'est... Il y a personne qui est épargné. C'est un truc très réaliste en étant. On ne sait pas si personne sera épargné. On en voit dans des abris anti-atomiques et tout ça. Peut-être qu'ils survivent. Les deux protagonistes, eux, on sait que non. C'est pas le but du film. Non, c'est pas le but du film. Voilà. C'est ça. C'est vraiment focus sur, je pense, voilà, sur une histoire d'amour que c'est éphémère et qu'il faut pas, faut vivre ses rêves quand ils viennent, voilà. La vie est courte. La vie est courte. Ouais, et de ton côté, t'en as pensé quoi? Moi j'ai bien aimé ce film. Je l'ai revu donc je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu une fois quand il était sorti et là j'ai eu un plaisir à le revoir. Après j'ai eu plaisir à le revoir. C'est pas un film qu'on regarde tous les jours non plus. Hein, y a pas. Mais il y a des petites notes d'humour aussi. C'est assez cynique dans le fond. Il y a des scènes notamment avec le. Et ils font de l'autostop parce qu'ils ont plus de bagnole. Et c'est un mec en 4x4 qui les prend au passage. Et en fait, ce mec-là, il avait engagé quelqu'un pour le tuer. Et parce que voilà, il voulait finir comme ça. Et donc du coup, bah, il récupère la bagnole. Le mec est mort. Enfin, il y a tellement de petits détails. C'est assez cynique, quoi. Voilà. Non, par contre, la réalisation, elle est quand même assez fade, quoi. Ah oui, c'est très fade. C'est un peu mou, ça manque de... Mou Non, la réalisation, je veux dire, il y a pas de trucs ouf, quoi. C'est... Non, le rythme du film est bien, mais la réalisation est... C'est mal posé. C'est ça. C'est ça. En même temps, est-ce que du coup, ça se veut pas un film où tout le monde pourra se projeter? C'est ça. Peut-être, oui. Oui, c'est très ordinaire. Ça fait pas documentaire, mais pas loin, quoi. C'est assez... C'est propre, mais voilà, quoi. Oui. C'est pour centrer sur l'histoire du Exactement. Groupe et qu'on se disperse pas. Ouais. D'accord. Et ça a chamboulé ta vision de l'amour et de la vie. Non, mais je me... De la preuve quand même. De la fin. la première fois, je l'ai vu sans Olivier, la deuxième, oui, donc... Et non, ça se regarde, vivre le moment présent. Voilà, apprécier le moment présent, et on peut vivre quelque chose d'intense en 3 semaines, alors qu'en 25 ans, c'est fait chier, quoi, par exemple. Oh, t'as mieux. Voilà. Bon, bah voilà, ok. Merci. Non, c'est pas les alcooliques anonymes. Merci. Merci, je suis touchée. On avait déjà fait les alcooliques anonymes. La mission finale pour sauver l'humanité a échoué. Mathilda, l'astéroïde de 110 km de diamètre, va percuter la Terre dans exactement 3 semaines. Le compte à rebours pour la fin du monde est donc lancé, mais il se fera bien entendu au son de vos classiques rock préférés. Alors, n'hésitez pas à porter des vêtements décontractés tous les jours de la semaine si vous en avez envie, à moins que quelqu'un ici veuille devenir directeur financier. Je vous écoute. Alors, qu'allez-vous faire pendant le reste de votre vie? Essayer de passer du temps avec moi-même, croire en Dieu, et peut-être bouger quelques meubles. On se croisera peut-être à une partouze. Ouais, ça me plairait bien. Écoutez, Elsa, ne vous sentez pas obligée de revenir la semaine prochaine si vous n'en avez pas envie. Ça ira. Vous me renvoyez? Non, c'est juste que ce n'est pas nécessaire. J'ai rien dit. À mercredi prochain, monsieur. Je regrette toute ma vie. D'accord. Au revoir. On devrait présenter Karen à Dodge, tu ne crois pas? Je ne m'habille pas comme ça d'habitude. Le ciel nous tombe dessus. Je suis sorti avec une fille différente tous les jours. Elles en ont rien à faire des maladies, ou si tu vas les rappeler, ou si vous êtes de la même famille. Tu me suis? Non, pas vraiment. Non, désolé. C'est vrai. Bonsoir. Est-ce que ça va? Non. Oh. Je ne verrai plus jamais ma famille. Vous voulez entrer? Je ne volerai rien si vous ne me tuez pas. Entendu. Qui est-ce? C'est la fille qui vous a quitté? Elles m'ont toutes quitté, mais elle a été la première. Alors retrouvons-la. Il faut y aller, suivez-moi. Si vous m'emmenez où je veux aller, je vous promets que vous reverrez votre famille. Dans mon malheur, j'ai choisi le bon moment pour faire ma crise de la cinquantaine. Bienvenue chez Copinou, là où tout le monde est ton copain. J'en reviens pas que vous soyez toujours ouvert. Ça tombe bien, c'est son anniversaire aujourd'hui. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Je crois qu'on devrait y aller. Ça vaut mieux. Oh non, c'est pas vrai. À quelle vitesse on allait? À une vitesse interdite par la avec loi. Avec le... Écoutez votre cœur et je suis certaine que vous donnerez l'opportunité à mon ami d'être avec la personne qu'il aime avant que nous allions tous rejoindre l'éternité. Non. Bon allez, qui embraye du coup? Alors, donc initialement, moi, quand il m'a dit film romantique, je me suis dit, génial, c'est complètement mon créneau. Je me suis dit, je vais retourner le truc, je vais prendre un bon vieux Greg Araki que j'aime beaucoup. Je voulais parler d'une histoire d'amour entre un adulte consentant et des enfants pas du tout consentants. Et puis finalement, voilà, et mettre en pratique aujourd'hui avec les enfants d'Olivier. Puis finalement, je me suis dit que j'ai pris un film que j'aime bien, n'en déplaise, et qui m'a valu de me faire traiter de bobo injustement, à savoir Les Poupées Russes de Cédric Clapiche. Donc sorti en 2005, il s'inclut dans une trilogie. Donc commence... Il y en a trois, absolument. Commencé par L'Auberge Espagnole en 2002 et fini par Casse-tête Chinois en 2013. Et donc, qui a comme acteur principal, évidemment, Romain Duris, acteur fétiche de Clapiche, déjà présent dans Paris, Le Péril Jeune et nombre de films, que vous aimez tous à cette table, vu vos têtes. Vous aussi, vous l'aimez pas. Non, mais moi j'ai rien contre lui et j'en regarde pas ses films. C'est pour ça que t'as rien. Non, c'est pas ça, c'est que je peux pas le juger, j'ai très peur de regarder le film, si, avec peut-être Vanessa Paradis, je crois, il y avait un film. Mais... L'arnaqueur. Ah oui, c'est, oui. C'est tout, je crois. Ça aurait été un très bon choix. Merci de l'ironie. Alors, pour retourner sur Les Poupées lui, Russes, c'est l'histoire de Xavier, ou Xav pour les intimes dans le film, qui donc ça suit à 5 ans près, c'est 5 ans derrière L'Auberge Espagnole, qui racontait l'histoire de ce personnage qui était parti faire ses études d'économie à Barcelone. Étudiant, il s'éclate, il découvre la vie, les fêtes, le sexe, machin. Et donc là, il arrive, il a 30 ans, il a tout lâché pour vivre son rêve de devenir écrivain à Paris. On retrouve tous les personnages qu'il y avait, tout le casting qu'il y avait dans le film précédent. Et comment parler de ce film? En fait, c'est une succession de tableaux et d'anecdotes... Y a pas vraiment d'histoire, c'est suit les pérégrinations du personnage à travers ses galères pour trouver un emploi, pour trouver un appart, les copines, tout ça. Et c'est assez intéressant parce que moi c'est un film que j'aime bien parce que déjà Romain Duris avait l'âge du personnage à chaque fois en fait. Quand dans L'Auberge Espagnole, le personnage avait 25 ans, lui, il en avait 28. Dans Les Poupées Russes, il en avait 31, le personnage en a 30. Et Casse-tête Chinois, il avait 39 ans, quand le personnage en a 40. Donc je trouve ça assez cool. En fait, tu suis un personnage sur trois films, mais incarné par un acteur qui correspond et que tu as l'impression de suivre aussi. Ça donne vraiment l'impression de réel dans ce film, en fait. Moi, c'est un film que j'aime bien parce que je trouve qu'il est... Il décrit vraiment bien... J'ai envie de dire bêtement la vie en fait. C'est pas enjolivé, tu vois vraiment les galères du mec, tu vois, qui est en sous-loc, machin, qui va se faire héberger par des potes à 30 ans. C'est la vie que moi je peux avoir à Paris, que mes potes ont à Paris, qu'on a tous plus ou moins. Les petits boulots, comment tu pipotes pour avoir un job au final qui te correspond pas, etc. Les galères. L'histoire d'amour. Et le personnage est assez. Et assez bien, et bien incarné par Romain Duris, qui a quand même une tête de connard. Mais c'est pour ça que c'est intéressant ce personnage, c'est que c'est le héros, mais il est aussi anti-héros. Par exemple, bon, pour revenir à la thématique, il trouve, il a une super histoire d'amour avec l'anglaise qui s'appelle Wendy, interprétée par Kelly Reilly dans le film, avec qui il est en colocation dans le premier film à Barcelone. Et vraiment, on filme ça comme une... On voit les paillettes du début de la relation, ils font plein de trucs, ils sont hyper amoureux. Et à la première occasion qu'il a de la tromper avec une bombasse avec qui il travaille, bah, il le fait, quoi. Direct, quoi. Et je trouve ça intéressant, en fait, qu'il... de montrer ça. En fait, c'est un peu vraiment monsieur tout le monde. Moi, je trouve qu'on s'identifie énormément au personnage et à sa vie, en fait, assez facilement. Et c'est, je sais pas, c'est un film qui me réconforte, en fait. Et c'est mon préféré des trois, clairement. Et c'est un film qui me réconforte dans mes, en fait, dans mes galères, quoi. Je suis dans mes galères, je me dis, je suis pas tout seul, en fait. Lui, il galère grave aussi, quoi. Et voilà, moi je trouve ça cool, et ce que j'aime en fait, c'est vrai que j'aime le cinéma, je vais pas vanter les mérites du cinéma français, des films en noir et blanc qui parlent du cancer, du handicap et du divorce, avec des titres à rallonge, je n'en plus finir. Et Romain Duris. Et Romain Duris. Néanmoins, j'aime bien Clapiche pour ce que je connais de lui, et dans ses films, parce que je trouve que ça fait partie des rares. Il tente des trucs dans la réalisation et dans le montage, il a des bons délires en fait. C'est rare de voir des choses un peu originales. Et lui, par exemple, il se tape, à un moment, il part tout dans un délire, comme il est écrivain, il imagine des scènes, et là, on voit les comédiens, par exemple, partir en mode soap opéra et tout, dans sa tête et tout, il y a une autre scène où le personnage se démultiplie, où on le voit jouer du pipeau pendant un entretien d'embauche, enfin, il y a eu pas mal de petits trucs un petit peu, de trucs décalés, un peu fantasques, de réalisation, et je trouve qu'il a... Il y a une certaine originalité de Clapiche quand il fait ça, en fait. Moi, j'aime bien. Et le casting est excellent. Enfin, pour le coup, est très bon. Voilà, c'était très sérieux. Et je défendrai mon film, parce que corps et âme, je vous en prie. Hein. Si tu vas aimer ton bien, tu l'as déjà enterré quand t'as dit Duris, c'est une tête de con. Non, mais pour le coup, il incarne bien le personnage qui est un connard, mais il est... C'est monsieur tout le monde avec une bonne dose de connardise aussi, quoi, qui hésite pas à merder en toute beauté et tout, qui a un code moral très limité, quoi. Mais en même temps, tu sens qu'il se cherche, quoi, il sait pas... Et c'est... Non, voilà. Moi, j'aime bien. C'est pour ça que t'en parles, parce que tu aimes bien. Voilà, j'ai décidé de parler d'un film que j'aime bien. Pourquoi pas. Voilà, exactement. Moi, j'ai pas de décembre, je l'ai pas vu. Moi non plus. Moi, j'aime pas Romain Duris, alors ça suffit. Ah, moi non plus, j'aime pas Romain Duris. Moi, je l'ai vu, mais il y a longtemps. J'ai plus vu L'Auberge espagnole que Oui, je pense que c'est, de toute façon, c'est dans le même style. Mais c'est exact. Il a à peu près les mêmes galères et ça continue dans le casse-tête chinois où, au final, il a divorcé de l'anglaise avec qui s'est remis à la fin des poupées russes et il est dans les galères de... Bah, du coup, là, il a 40 ans, les galères de divorce, de garde partagée. Il a un peu mieux réussi dans son boulot, mais c'est toujours pas ça, toujours les mêmes... Il est à New York, cette fois, où il galère encore à trouver des apparts, il galère encore avec les meufs, et ça continue. T'as l'impression que la vie est une gigantesque galère, en fait. Une légère impression de redite à chaque fois que tu vois un film de la trilogie. Non, mais c'est ça pourrait être un long métrage de 3 heures, hein, au final. C'est plus ou moins les mêmes films, mais tu prends plaisir. C'est comme une série, il y a une petite continuité. C'est ça. Mais il n'y a pas d'évolution. Pas vraiment. Bah, il y a l'évolution des personnages, mais il y a l'âge, en fait. C'est quand même une maladie sociale française, quoi. C'est ça. Il y a un problème de divorce. Oui, non, mais on en revient à ça, mais c'est drôle, vraiment. Si, bah, ça parle quand même beaucoup d'amour, malgré tout, il est pas mal dans les recherches, de l'amour. Il écrit là-dessus, d'ailleurs, il recherche l'idéal amoureux, et c'est drôle que quand il le trouve, il trompe sa nana direct, quoi, c'est plutôt amusant, quoi. C'est pas l'idéal, hein. Voilà. Ouais, et puis c'est très drôle, et on peut voir, ça a le mérite de voir Romain Duris se prendre un méga pain par une lesbienne énervée, et ça, c'est cool. Voir, ça y est. On finit sur une bonne note positive, j'aime bien. Voyons, je l'ai trouvée tellement belle. Elle existe presque pas en vrai, tellement elle est belle. On recherche tous la perfection. Mais bon, c'est pas sûr que ça existe. Merde. Mais faut arrêter de rêver, Xavier. Les princesses, ça existe que dans les contes de fées. Vous m'appelez ce soir obligé, hein, parce que sinon, on m'appellera jamais. Okay. Faudrait que tu me la présentes, j'aime bien les filles noires en général. Et toi, de toute façon, en ce moment, c'est tout ce qu'est une chatte. T'as une copine? Non, j'ai pas vraiment de copine, non. C'est qui elle? C'est personne. Je suis personne, moi? Non, mais ça va pas de leur parler comme ça, t'es con, quoi? C'est qui elle? Je suis quoi, moi? Ça se fait rare, les hommes bien, tu sais. Bon, bah ouais, je sais. J'ai repensé à toutes les filles que j'avais connues, avec qui j'avais couché, ou même que j'avais seulement désiré. Merci beaucoup. Je me suis dit qu'elles étaient comme des poupées russes. On est curieux de savoir qui sera la dernière. C'est quoi ce bordel avec l'amour, là? Quand t'es seul, tu te plains. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Quand t'as quelqu'un, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que je l'aime vraiment et est-ce qu'elle m'aime autant que moi, je l'aime. Bonjour Paris. There are about 4 billion women on this planet. It's great that you can choose just to be with one. I love what's not perfect. It's just how I am. Через день работа догоняет меня. I'm getting married. I found true love. No, real love. Bonjour la trentaine. It's a love story. Well, that's easy. We're both experts. Donc je disais, je vais vous présenter le film PS I Love You, réalisé par Richard Lagravenaise, sorti en 2008 et adapté du roman de Cecilia Ahern. En fait, l'histoire, c'est... De base, on part sur un couple. Donc on a Holly et Jerry. Déjà, le début du film, ça commence par une engueulade. Une engueulade pour rien. Une engueulade quand même, qui va durer 12 minutes, 12 très longues minutes. Et la scène d'après, en fait, le mec est mort. Très longue engueulade. Ouais, voilà. À mourir. Et en fait, après, on aura découvert qu'il avait une tumeur au cerveau et qu'il en est mort. Et Holly, du coup, la veuve, maintenant, va commencer à rentrer doucement en dépression. Et quelques jours plus tard, ouais... c'est son anniversaire, elle est censée fêter ses 30 ans, sauf qu'elle est totalement dans son monde, paumée, en train de faire du karaoké chez elle, et elle sort plus du tout, à cause de la dépression. Et il y a ses amis et sa mère qui viennent taper à sa porte pour lui faire fêter son anniversaire, et on va voir qu'elle va recevoir un gâteau de la part de son défunt mari. Et avec ce gâteau, dedans il y aura un magnétophone où il y a un enregistrement, où il lui explique que il va lui envoyer plusieurs lettres au fil des jours et elle devra suivre ce qu'il a écrit dedans et pour savoir comment se comporter, ce qu'elle devra faire. Et au final, je crois, elle va recevoir pas moins d'une petite dizaine de lettres. Donc évidemment. On se demande, mais comment c'est possible, ce genre de choses-là, enfin... On peut s'imaginer que le mec, quand il a appris qu'il avait sa tumeur et qu'il savait qu'il allait bientôt mourir, il a organisé tout ce bazar. Et au final, donc ce que je disais, c'est qu'au fil des lettres, il va lui ordonner, entre guillemets, de faire certaines choses pour essayer d'aller un petit peu mieux. Donc par exemple, la première lettre... elle doit s'acheter des nouveaux vêtements, ce qui lui servira pour les consignes de la deuxième lettre. Elle devra aller au karaoké, elle devra aller dans un bar, elle devra partir en voyage. Elle devra aussi réussir à faire le deuil de son défunt mari en se débarrassant de ses affaires, en les renvoyant chez ses beaux-parents, du coup. Par contre, il va pas adresser des lettres uniquement à Holly, il va aussi en adresser... aux amis de Holly, où il leur demande de l'aider à, entre guillemets, à changer les idées, en l'emmenant à la pêche, en l'emmenant se promener. Et au final, vers la fin du film, à la 7e et 8e lettre, on se rend compte qu'il a... Il avait, d'une certaine façon, prévu qu'elle irait rendre visite à ses beaux-parents, après son décès, et c'est en allant là-bas qu'elle va réussir à avoir la 8e lettre, où... Oui, qu'est-ce qu'il y a dans cette 8e lettre? Dans la 8e lettre, il lui demande d'aller dans un endroit qui lui était cher à lui quand il était petit, dans la maison de ses parents. C'est ce qu'il appelle son fort. En fait, c'était juste un vieux mur de pierre un peu en ruine dans le fond du jardin, mais là-bas elle va y trouver du coup la lettre pour elle, parce que du coup c'était la lettre de ses parents qui l'intimait à aller là-bas, Et il lui propose de rentrer dans leur appartement à eux, de retourner aux États-Unis. Il lui dit qu'il va l'aider pour trouver du travail, qu'il lui enverrait un signe. Bon, elle rentre chez elle. Et en fait, c'est vraiment vers ce... C'est encore le début, là ? Non, ça c'est milieu du film. T'es un petit peu loin. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu triste parce que c'est que à ce moment-là qu'on a quelque chose de plus ou moins touchant en fait dans ce film, où la dépression est assez, elle est un petit peu abordée alors qu'avant c'était assez superficiel et enfin ça faisait vraiment cliché quoi, genre t'es en dépression, juste tu sors pas de chez toi ou tu fais semblant de souffrir, du coup t'en branles pas une. Et tu pues. Ouais, voilà, et tu pues beaucoup. Et là, enfin, elle va dire quelque chose qui est enfin assez profond pour un film comme ça. Elle va dire quoi qu'on fasse, on reste toujours seul. Et c'est dommage, ce que je disais, ouais, c'est que on arrive à quelque chose comme ça à la moitié du film, quoi. Et ça se met en place. Ça se met en place. Bah, c'est quand même vachement à se mettre en place. Bah, c'est toi qui l'as choisi. En fait, elle n'a pas vraiment choisi, on lui a proposé. Les gens qui ne se mettent pas en colère sont les plus intelligents. Oui. Bref. Ouais, c'est ce que je me disais, j'étais con. À cause de toi, je suis perdue, merci. Et bon, au final, elle va recevoir la toute dernière lettre où clairement il va juste lui demander d'être heureux, en fait, d'essayer de refaire sa vie, d'être heureuse et. Et tout simplement de rencontrer quelqu'un d'autre, quoi. Tout ça pour ça. Ouais, tout ça pour ça. Nous, on l'a revu l'autre fois, c'est passé à la télé, mais j'ai toujours bien aimé. Bah, je sais que mes capacités de résumé sont un peu incroyables. Franchement, j'ai pas été particulièrement emballée, comme je disais, c'est aussi super long à démarrer. C'est assez superficiel, en fait, dans l'émotionnel. Je trouve que classiquement, enfin, il y a un peu le déni, enfin, il y a un peu la vraie temporalité de quelqu'un qui apprend, enfin, qui a cette nouvelle-là. Mmh. Et t'as le déni, enfin, le deuil ne vient que justement, peut-être au milieu ou à la fin du film, enfin, peut-être qu'il vient à la fin, la phase où de l'acceptation en fait. Et du coup, c'est tout un. C'est lent, mais c'est pour montrer que on passe pas à autre chose comme ça aussi. Et puis lui, il veut peut-être la faire, la connaissant, que ce soit magique. Oui, peut-être pas trop brutal aussi, voilà. Ouais, je trouve vraiment ça superficiel. En fait, on a des choses qui auraient pu être beaucoup plus poussées. Comme je disais, cliché dépression, bah, je me lève plus, je sors plus et j'en fiche pas une, quoi. Alors qu'au final, c'est un état d'esprit qui fait souffrir et on l'entrevoit à peine quelques secondes et je trouve pas ça suffisant. Enfin, moi, clairement, avec un scénario comme ça, je m'attendais un peu à voir la larme à l'œil en me disant oh, c'est trop triste, ça pourrait être l'histoire de n'importe qui et. Ben, en fait, même pas quoi. C'est-à-dire qu'elle est. T'aurais voulu plus de. Elle est seule, elle est avec son. Elle est vraiment face à quelque chose. Ouais, face à elle-même et à l'abandon quoi. Et. Oui, c'est assez balayé, quoi. C'est assez. Bah c'est ça, c'est balayé et comme je disais tout à l'heure, bah ça fait cliché, quoi. Mais du coup, c'est plus sur l'acceptation du deuil, en fait, que sur l'adéquation, c'est peut-être. Oui, aussi. Bon après, il y a quand même un petit côté intéressant, c'est les lettres qui sont là pour lui donner le goût à la vie, quoi. Mais je trouvais ça un peu trop simpliste, en fait, la façon dont ça a été fait. Après, c'est qu'un film, il peut pas durer. 5-6 heures. Il y a des films qui sont très bien, qui sont pas longs et qui sont mordants. Avec des ellipses, une écriture. C'est vrai qu'on a quand même un scénario original. Je trouve que c'est une belle manière, d'accepter quelque chose, quoi. C'est hyper romantique, quoi, pour le coup. Franchement, l'idée, je la trouve excellente. Mais avec un petit plus, ça aurait été pas mal. Romantique, je suis pas sûr. Non. Bah, le, dans la démarche du gars, c'est hyper romantique. Un mec, il écrit des lettres, il sait qu'il va mourir. Bah oui, mais et justement. Il lui dit même pas. Il l'aime. Il veut pas la laisser en plan. Il sait qu'il est malade. Mais ça... Je veux dire qu'il allait mourir. Ah, à mon avis, elle l'avait déjà dit avant. Mais bien sûr que oui. Et elle savait qu'il était malade, mais elle savait pas l'échéance, peut-être. On te dit qu'elle savait l'échéance, tout. Et malheureusement, c'est tombé sur une scène d'engueulade, quoi. Ça fait toujours chier, quoi. Je pense. Mm. C'est elle qui l'a tué, quoi. C'est moche à dire. On a raté le premier quart d'heure. On a raté le premier quart d'heure. Bah, moi, j'ai vu le premier quart d'heure, mais en fait, je me suis raté là. Dans les engueulades, c'est pas ton truc. Ouais. Non, j'étais pas dans l'état d'esprit là. Ouais, voilà. T'es plus dans les anges et trucs comme ça. Ouais, moi je suis romantique à fond, moi. Ouais, tout se passe bien. T'inquiète pas, j'ai une petite phrase romantique là. Ah, ouais, c'est fait. T'inquiète pas. Tu parles de Chuck Norris en fortune ? Ah non. Ah, mais non, t'inquiète pas, je vais peut-être réussir à le caser, mais ça va être compliqué là ce coup-ci. Ça va être tendu. Ouais. Non, je pense pas ce coup-ci là. Ah, tu peux le caser dans le mien. C'est vrai qu'il a rien fait de romantique, Chuck Norris, c'est dommage. Si, Walker Texas Ranger, peut-être pas vu, mais... Genre un petit épisode de Walker quand il se marie. Il se marie avec la procureure là. Ouais, justement, la procureure, voilà, on raconte l'épisode du mariage, c'est dans voilà. Monde. Ah non, justement, c'est le dernier épisode. Ah bah non, parce que je crois qu'elle se fait tirer dessus, genre son mariage. Ah, mais ça reste romantique. Ouais, c'était pour un mariage, quoi. On a besoin de s'organiser. Pourquoi c'est toujours moi, l'adulte responsable, qui se fait du souci? Pourquoi je suis pas le gentil irlandais insouciant qui chante en grattant sa guitare? Parce que tu sais pas chanter sans faire pleuvoir. Je t'aime tellement. Ça ne durera pas. J'ai pas l'intention de partir. C'était un jeune homme tout à fait à part. Sa vie s'est peut-être achevée, mais il demeurera à jamais dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il a eu? Tumeur au cerveau. Holly, il y a un paquet pour toi qui vient d'arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Salut ma puce. Surprise. Je t'ai écrit des lettres. Il faut que tu fasses exactement ce que je te dis, d'accord? Je compte sur toi pour que ma petite chérie s'éclate. C'est parti! Mets ta robe de fête et sors de la maison. Il n'est pas question que je participe à ce truc-là. Cet homme formidable a croisé mon chemin et... Et il est mort! Où tu étais passé? Je t'ai pas senti près de moi ces temps-ci. Je suis là, mon amour. Il m'a semblé que vous passiez du temps ensemble. On est juste amis. Thierry, arrête! Moi, c'est Daniel. Holly, je t'aime beaucoup, mais j'ai pas envie d'être l'homme invisible. Jerry ne va pas continuer ce petit jeu éternellement. Sa vie s'est arrêtée, son courrier s'arrêtera aussi. Tout seul, quoi qu'on fasse. Il ne faut plus que tu attendes. Il est temps, ma chérie. Je t'enverrai un signe. P.S. I love you. À la base, je voulais parler de The Lover de Tuerk, mais... Vu les prix des DVD, je me suis dit, tiens, je me rabatte sur autre chose. Alors, Tuerk, je vais parler de Festin chinois. Alors, c'est un homme, c'est un loubar, qui cherche un diplôme pour un travail, pour aller au Canada pour rejoindre sa belle. Ça reste prédatif. Voilà, ça reste prédatif. Et qui cherche du boulot Non, qui a raté son concours. Il a raté son concours. Et il tombe sur un cuisinier qui lui dit d'aller dans un restaurant. On ne peut plus dire. Mais... Oh là là. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. En plus, tu vois que c'est le chaos partout. Il veut un travail dans les cuisines pour partir au Canada. Là, pour rejoindre sa belle. Ça dulciné. Il tombe dans un restaurant où il va aller d'une petite fofolle qui chante très très bien avec et voilà l'histoire. Et après il va faire ils vont appeler un ancien chef qui a perdu sa femme, enfin, qui est divorcé plutôt, qui a perdu son enfant elle est en feuille mort. Il a perdu l'enfant et du coup ils ont divorcé. Voilà. Elle est parue, ils ont divorcé, et voilà. Il y a un concours après, à la fin. Alors, comment... Festin chinois. Festin chinois. Un festin, comment ils appellent ça, le... Le banquier impérial. Le banquier impérial, voilà. Alors, ce film-là, c'est Olivier qui m'a fait découvrir. Alors... je vais le voir ce matin, ça mais j'avais pas... Oh, ça y est, ça taille. Ça, c'est pas grave. Alors, c'est une comédie romantique, pour moi. J'adore ce film-là parce que... Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Parce que, voilà, déjà, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, donc je l'ai vu il y a si longtemps que ça, mais... Pas facile de dire pourquoi tu l'as vu. Exprime tes sentiments. Exprime tes sentiments. Exprime tes sentiments. Non, mais qu'est-ce qui m'a plu? Parce que, voilà, c'est une comédie hongkongaise des années 90, où ça part dans tous les coins. C'est l'humour de cette époque-là, quoi. Ça part avec le poisson géant, le loup-bar avec sa femme qui chante faux et qui voilà. En fait, c'est ça, c'est la particularité de ce mec, c'est que quand il fait un film, voilà, ça part en vrille. Ouais, là, c'est un film sur une comédie romantique sur la cuisine qui parle en délire de guerre des gangs et autres. Et c'est pas dans ce film-là où à la fin il doit cuisiner une pâte d'ours blanc. Voilà, c'est dans celui-là. La pâte d'ours glacée. Attends, il y a la pâte d'ours, il y a le singe. Voilà. Et le singe qui. C'est la fin, ça, c'est ouais. Le dernier. Il y en a un autre, je sais plus ce que c'est. T'es encore en train de faire des dessins, toi? Oh, elle fout moi la paix! C'est salopé mon truc! C'est son truc qui est raté, le groupe, c'est cool! Donc c'est bien parce que c'est le foutoir. Quoi. Voilà que j'adore quoi, ça part en couille, ça part en vrille, ça part en vrille et c'est pas tout public ce truc. Non, c'est pas tout. Ça part dans tous les coins. Ça part dans tous les coins. Oui, en plus déjà de base, ça part dans tous les coins. C'est bon pour toi. C'est bon pour moi, c'est bon. Je vais, voilà, je vous laisse. Attends, qui l'a vu du coup? Pas moi. Mais c'est moi aussi. Tu l'as vu? Elle a vu vers la fin là, tu vois. Du coup, il part au Canada ou pas? Il reste avec la petite. Putain, ouais, en fait, ouais. Ouais, il reste. Il tombe amoureux de la fille. De la fille aux cheveux rouges. Et du coup, la fille reste au Canada? La fille qui reste au Canada? On sait pas. On sait pas. On l'a jamais vue. On l'a vu sur sa photo. Ouais, encore. Très bien. Moi, j'ai bien aimé, moi, celui-là. C'était chouette. À chaque fois, ça me donne envie de bouffer chinois. Ah oui, ça, pour donner envie de manger, ça donne envie. Bon, bah voilà. Voilà. Oh, c'est bien la mer. Trop salé. Quel arrière-goût infaisible. Ça vous laisse un goût de paraît incroyable. Taisez-vous, attendons qu'il donne son avis. Le poisson est une insulte à la cuisine. Ah non, c'est pas vrai. Ah, ça a une belle tranche! C'est appétissant, hein! Liu Kit, vous avez toujours votre savoir-faire. Ce sont les sensations qui vous manquent. Ça manque pas de sel! Ah, il n'a pas pratiqué depuis longtemps. Il a perdu la mémoire. Il boit trop. Ses sens sont totalement atrophiés, presque réduits à néant. Le seul remède, un traitement de choc. Le premier est le sens du goût. On commence par là. Regardez-moi sa langue. Il faut rendre leur faculté aux papilles. Oh! Ça fait beaucoup. On refroidit, puis on réchauffe le tapis. Le muscle se contracte et se détend et ça stimule la circulation. Ces 82 extraits de concentré de piment enflammeront ses facultés gustatives. Allez, un courage. Il n'a pas de réaction. C'est trop tard? Impossible. Lorsqu'on est un grand chef, il faut avoir le pied ferme pour rester longtemps debout. Passons à l'odorat. On nettoie le nez de ses impuretés. C'est dégoûtant. Comment il a pu accumuler cette crasse? On insuffle de l'oxygène, puis on le fait respirer lentement. Oh, c'est bon, ça me fait partir. Oh, qui a pété? Désolée, je viens d'y penser, c'est ma faute. Ça marche, ça prouve qu'il a retrouvé l'odorat. Est-ce qu'il est à son meilleur niveau? C'est dans le masque. Mais non, c'est moi qui ai pété. Ah! Le troisième sens est la vue. La nourriture change pendant sa cuisson. Le chef doit savoir l'observer. Nous allons donc aiguiser votre acuité visuelle dans un endroit fermé totalement étanche. La clé est cachée à l'intérieur. Si vous la trouvez, vous pourrez sortir. Branche le ventilo. Mets tout! Ça dégage! Ça va le faire tousser! Où est-ce qu'il l'a mise, oh, le salaud? Où est cette putain de clé? Cette vapeur d'oignon, quelle horreur! Ça prend la gorge! Ah, vas-y, on va lui en mettre plein d'œufs! Je veux sortir, nom d'un bonze! Où l'a-t-il caché? Où est cette saleté de clé? Je veux sortir, j'ai tout! Je veux sortir! Y'a rien! Cette merde! Je veux la clé! Est-ce que tu penses que ça va suffire? Arrête! J'ai du mal à respirer, ça affecte cette odeur! C'est le but! On va s'asphyxier! C'est insupportable! On respire, y'en a marre! Où elle est sortie? Non, c'est de l'autre côté! Au secours! J'ai tout! Hé, il dit plus rien! Tu crois qu'il s'est évanoui? Faudra peut-être lui ouvrir! Maître Kit est sorti vite, il est malin. Il vous a battu à plate couture, sa vue est excellente. Vous en avez mis un temps pour sortir. Il faudra penser à un traitement de choc. C'est grâce à l'acupuncture que Louis va s'améliorer. Là, voilà. J'entends mal. Sonne, tu répètes? Moi? Mais j'ai rien dit. J'ai vu tes lèvres remuer, pourtant pas un son n'en sortait. Au secours, docteur, la pauvre fille est devenue dingue. Alexandrie, Alexandra. Mais qu'est-ce que vous entendez? Une radio qui passe de vieux tubes. Tiens, c'est drôle. Ça a changé, c'est brouillé maintenant. Ah, mais j'ai pas réglé l'antenne. Hein? Et tout à l'heure, il passait quoi? Un duo Mireille Mathieu et Clou-Clou. Bon, bah moi du coup, je vais parler de Zocro. Voilà. Normal. Quoi. Normal, bah quoi, ça va. C'est romantique au sens littéral du terme. Monsieur, je fais les beaux-arts. Ah, au sens littéral, le courant littéraire romantique oui, est oui, comme oui, très proche. Ouais, non. Ah si. Ah si, c'est des amours contrariés, éternels, dans la mort, tout ça. C'est, on dirait du Indochine. C'est beaucoup de symbolisme. Oh, c'est comme la Cité des Anges, quoi. Pareil. Oh ouais, putain, la Cité des Anges. Et comment tu l'as choisi ce film, La Cité des Anges? Parce que ah bah attends, on va y venir après. Il avait même pas d'idée, c'est ça. Il y avait une promo sur La Cité des Anges. Ouais, c'est une torture hein, pour moi, ce podcast. Ah oui? Franchement, les trucs romantiques comme ça, ça... Je vois le nombre de lignes, ouais, c'est... Personne n'a fait Ghost. C'est là où j'ai créé. Ghost. Ah, Ghost, ouais, non, c'est vrai. Les années 90, ouais. Sa scène de poterie insupportable. Non, mais c'est un peu phallique, ouais. Par contre, comme base, il est pourri après. Mais c'est lui qui a écrit l'échelle de Jacob. Il devait écrire celui-là pour faire produire son. Ah ouais? Putain, il y a un chemin entre les deux. Oh. Je sais pas, j'ai pas vu l'échelle de Jacob. Non, ah ouais, mais il faut que je vois l'échelle de Jacob aussi. Ah, on l'a, non? Bah oui, on l'a, mais il faut que je vois quand même. Ouais. On l'a jamais vu par contre. Bah pas encore, bon, ça va venir. Bon, je peux y aller au fait? Ouais, Zocro. Bon, merci. L'histoire d'un mec qui a toujours faim. Zocro, pas Zocro. Zocro, oui, putain, oui. Le mec a toujours les crocs. Ouais, bon, ok, ça marche aussi. Bon, allez. Donc, c'est la nuit du diable à Détroit. Eric Dravan et... Oh putain, ça y est. Le maréchal, Eric Dravan. Dravan, ouais. Donc Eric Dravan et sa future femme Shelly sont violemment assassinés. Un an plus tard, l'ancien guitariste revient à la vie guidé par un corbeau et il va exécuter un par un ses assassins. Et leur chef qui fait flamber la ville tous les ans. Il est soutenu dans sa vengeance par une gamine dont sa femme est lui s'occuper et d'un flic à l'humour salvateur. Voilà, c'est pas mal comme résumé. Le flic qui jouait avec, il était joué par le blague du Ghostbuster. Ouais, Ernie Hudson. Ernie Hudson. Et dans Ghostbuster, c'est Winston Zeddemore. Winston. Winston, ouais. Faut le dire avec la voix plus grave, normalement. Winston. Donc voilà. Est-ce que j'ai noté pourquoi j'aime bien le film ou pas? Même pas, tiens. Tu vas te dire, oui, j'aime bien le film. Alors, oui, mais Alex Proyas, ouais. J'aime bien pour The Crow et Dark City, en fait. Lequel? Non, God of Egypt, toujours pas. Donc, non, moi j'adore ce film justement pour le côté, comme on disait, le romantisme littéral. Romantisme littéraire. Oui, noir, forcément. Il fait tout le temps nuit, d'ailleurs. Il fait tout le temps nuit, il pleut tout le temps. Sauf à la fin. Sauf à la fin. C'est le film des gothiques depuis 30 ans. Oh putain, presque. Bah si, enfoiré. 92 ou 93. Bon, ça fait pas 30 ans, mais on. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Enfoiré. Côté gothique Lolita. Le coup de vieux que je viens de prendre dans les oreilles, merci. Non, moi j'aime beaucoup la réalisation de ce film, l'image en général qui est dépeinte. Même si on voit que c'était beaucoup de. Je pense de fonds qui ont été dessinés en perspective avec juste un petit décor devant, je trouve que ça rend comme super bien. C'est un peu carton, hein, des fois. Ouais, mais moi j'aime bien le. J'aime bien le rendu que ça donne, c'est vraiment agréable. Et j'aime bien aussi le fait que la mythologie soit assez trouble ou floue parce qu'il manque des scènes qui n'ont pas pu être tournées. Et du coup, ça laisse des flous sur certaines règles, entre guillemets. Et c'est ça qui rend le truc encore plus intéressant. Ta mère. Ta mère le lave-vaisselle. Ça devient un film, là. Hein ? Un film, je me rappelle pas de ça. Y'a pas de lave-vaisselle dans le film, ils auraient dû. Ça, ta mère le lave-vaisselle. C'est ça. Ah, déjà, il balance Eric Draven par le toit, et puis après, il lui balance la vaisselle sur la gueule. Donc, j'aime bien le fait qu'il y ait des trous dans la mythologie, c'est assez. Oui, t'as des cœurs de trous. J'en ai moi aussi. Peu importe l'endroit, t'attends qu'il y a des trous, c'est bon. Moi, vulgaire, j'ai dit trous dans la mythologie. Mais j'ai dit moi aussi. Voilà, t'aimes les trous. Bon, bref. Et du coup, ça a été réalisé par Alex Proyas, donc un réalisateur américain né en Égypte, qui a débuté sa carrière en faisant des clips, je crois, d'INXS, notamment. Quoi ? Non, j'entends INXS. Et alors ? Les années 80. Oui, bah oui, les années 80. The Cure. J'aimerais bien voir le clip d'INXS. Bah, moi aussi, mais je t'avoue, là, c'est de mémoire que je dis ça, j'ai pas vérifié. Je crois que The Crow, c'est son premier gros film. Après, il a fait Dark City, qui est, à mon avis, son chef-d'œuvre. Et après, on va... iRobot. Ouais, mais même iRobot ou Prédiction, ça passe, mais ça reste... Ouais, il fait nuit et c'est la ville, mais voilà. Le cœur y est plus, quand même. Hein. Hop, dans les acteurs, on a Brandon Lee, qui est mort durant le tournage. Qui jouait Eric Draven, et du coup, un accident de tournage a fait qu'il est mort. C'est ballot, parce qu'il voulait donner des preuves que c'était un bon acteur, et ça l'est. Mais il n'aura pas l'occasion d'aller plus loin. Et c'est ballot parce que ça donne un autre mauvais point du film, c'est les putains de ralentis sur lui à certains moments. Ça a été mis pour rendre hommage, mais ça casse quand même bien le rythme du film, et bon, ça... Putain, me regarde pas comme ça, toi, tu me perturbes. Je peux rien faire, t'as vu. Quoi que je fasse, ça me plaît pas. Bon, bref, voilà. Donc il y a Brandon Lee et Ernie Hudson, comme on disait tout à l'heure, qui jouaient aussi dans... Putain, mais t'es un sac à merde. À chaque fois que je fais un truc, il aime pas. Alors du coup, je fais un vrai truc pour que moi, il aime pas. Bon, c'est bon, je peux finir. Bon, Ernie Hudson, SOS Phantom, voilà, inspiré d'un comics. Hop, suivant. Ah oui, non, mais non. Donc non, sans déconner, par contre, le film est effectivement l'adaptation d'un comics qui est vraiment exceptionnel. Probablement beaucoup mieux que le film et ses suites. On parlera même pas des suites. Bon, les suites moi j'ai beaucoup aimé la série, moi. Oh, mais saison, toi t'as rendu des goûts de merde, c'est pas possible. Bon, si, au bout d'une saison ça a été machin, mais moi j'ai trouvé ça sympa. Bah ça suivait, mais bon, il en a tué aucun du coup dans la série. Mais c'est normal que ça te pèse, ça ressemblait vachement aux rebelles quand même. Il y avait pas la moto, mais ça ressemblait aux rebelles. Comment tu peux te moquer du rebelle, quoi. Bah comme ça. Putain, The Renegade, quoi. Ouais, bah voilà. Et c'est vrai que c'était le rebelle, mais avec un corbeau. Voilà, c'est ça. Et dans la nuit, non. Oh, la nuit, non, justement, c'était la journée. En plus, il était pas maquillé. Ah, bah non, pas tout le temps dans le noir. T'imagines, c'est tout le temps dans le noir. Ouais, c'est comme ça. Bon, en tout cas, le 2 avec Vincent Pérez, il passe encore, mais après. Le 3. Et Vincent le 4 Pérez, avec Edouard Furlong, quand même. Voilà. Il est pas sorti en France. Non, il est pas sorti en France. Ah non, t'as pas le droit. Non, mais justement, Christophe Lambert, non, quoi. Non, Vincent Pérez, il est pire que Christophe Lambert. Christophe Lambert, il est très. Christophe Lambert, il y a Highlander et Mortal Kombat. Voilà, imbattable. Et Beowulf. Oui, Beowulf. Subway. Non, Subway, bon. Il y a Tarzan aussi. Hein. Ouais, Greystock, c'était pas mal. Greystock, c'était pas mal. Vidac, il n'a pas joué dans Vidac. Non, c'est Depardieu. Ah oui, c'est pas le même. C'est pas le même gabarit. Non. Ouais, donc je disais que c'était quand même inspiré d'un comics qui était de très bonne qualité. Et vraiment, par contre, l'histoire du comics est aussi assez, assez sombre. Bah, l'histoire telle qu'elle et sa création. Donc, voilà. En tout cas, c'est quelque chose que je conseille fortement, là, comme film. Donc, y en a-t-il d'autres qui l'ont vu? Oui, c'est un classique. Oui, oui, bien sûr. Tout le monde? Impossible d'avoir grandi sans voir. Non, pas Eloïse. Ouais. De notre génération, c'est obligé. Bah, et ouais, voilà, je pense. De votre génération. Et là, tiens. Tiens, bah. Deuxième coup de la les oreilles. On est de la même génération? Non, c'est 20 ans de génération. C'est 20 ans de génération. C'est 20 ans. Non, non, je te jure que rien que 5 ans d'écart, ça se voit. X, Y, Z. Non, mais bon, c'est vrai, c'est pas la même génération. Je cherche pas. Je suis jeune. Elle est dans la génération grincheuse, elle est encore en pleine crise d'adolescence. N'inquiète pas trop, toi, n'inquiète pas trop. T'es à côté, fille. Tu notes, Walid, il s'est reculé. Hein. T'as déjà pris un coup de tatane? Oui, probablement, oui. Mais donc, on disait, tout le monde l'a vu, sauf Héloïse, alors. Bah, ceci dit, Émilie ne l'a vu que la semaine dernière. Oui, donc, c'est pas qu'une question de génération. Non. C'est vrai que moi, je me souviens, la cassette, je l'ai poncée. Je l'ai en DVD, hein, moi. Ah, moi aussi, je l'ai en DVD, maintenant. La cassette, pareil, je l'ai poncée. Mais j'avais la cassette. Ça me donne envie de le revoir, mais c'est pas un bail que je l'ai noté. Ah, voilà. Ça me donne envie. Moi, pendant ce temps-là, je regardais l'ours devant la cassette. Ça a du mal vieilli, en même temps. Ah non, ça a pas mal vieilli. Non, non. Il a son charme, vous allez Il a son charme, mais visuellement, ce que je disais, les décors, on voit bien qu'il y a des trucs qui ont été peints sur des décors à plat. Et des maquettes, mais c'est chouette, c'est bien fait. Ils sont expressionnistes, du coup, alors. Un peu, ouais. On a dit le Batman de Tim Burton. Oui. Mais le Batman du Tim Burton aussi était très inspiré de l'expressionnisme, donc du coup, je pense qu'on s'y retrouve beaucoup. Il a fait toute sa carrière là-dessus. Oui, sauf quand il a commencé à mettre de la couleur. Voilà. Sa carrière, début 90, fin, et après... Le sommet de sa carrière a été construit sur l'expressionnisme, le reste, c'est construit sur l'argent. Non, en fait, c'est construit qu'il a une famille, il est un petit peu moins torturé, peut-être un peu plus heureux, il fait des films pour ses enfants. Ouais, mais quand même, ça n'excuse pas Alice au Pays des Merveilles, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est un Disney, c'est pas un Burton. T'as vu la bande-annonce de Dumbo, là, qu'il avait, là? Non, j'ai pas vu la bande-annonce de Dumbo. Ah oui, j'ai vu ça. Non, mais moi, ça fait longtemps que Tim Burton, même Sweeney Todd, tout ça, je peux plus, quoi. Sweeney Todd est graphiquement... Ouais, mais il irait chier, il chanterait aussi. Après, ça chante, une comédie musicale, t'aimes pas. Ça m'endort. Qu'est-ce qui t'endort pas? Alors, s'acheter un froid. Bon, toi, j'ai. Batman et Robin. Batman et Robin, non, tu fais ça, enfoiré. T'as pas le droit. Frère, en film romantique, ça aurait pu passer. Ah, ça aurait pu. Bah, ça, c'est dans les films gays qu'on aurait pu. On est dans le. Oui, mais romantique n'exclut pas gay. Tu peux faire un film romantique gay. Ouais, si t'avais voulu faire Brokeback Mountain, oui. Batman et Robin, ça passe aussi. Ouais, non, romantique, Batman. Non, Batman. Oh, bah. Ah, bah, si, si. Non, c'est Batman et Robin. Batman Forever, c'était vite plus romantique, quoi, à la limite, avec Kingman. Kingman, non. Ah oui, non, moi je parlais entre Batman et Robin, moi, t'es con. Ah, d'accord, ok, ouais, mais là, non, ouais. Ah, ouais. Il était pas au niveau. Le costume était lourd. Ah, bah, puis il a pas fait assez de muscu. Il devait avoir froid parce que. Il devait avoir froid, les tétons étaient apparents. Ah, ils ont bien fait exprès. Ouais, tétons et poutrer l'apparence. C'est ouf, quand même. Ouais, poutrer l'apparence et tout. Surtout que le film commence là-dessus, quoi. Et mais en génito et tout. Mais t'imagines le mec qui l'a vu au cinéma, t'as les couilles de clownet de 5 mètres sur 4. C'est ça. Oh, oh putain. C'est vrai que c'est un peu ridicule. Ah, ça va être quoi. On a quand même bien dérivé quand même. Ouais. C'est vrai. Non, vous avez tous les yeux qui brillent. Hein? Vous avez tous les yeux qui brillent pour vous parler des couilles de Batman. C'est romantisme. C'est romantisme. Là, on est à fond. Là, ça y est, on a atteint l'apogée du romantisme. Julien, c'est ton tour. Night is upon us again. So we throw a little party, start a bunch of fires. I got goddamn vigilante killer knocking off scumbags left and right. No, you're directly out of your fucking mind! Is that gasoline I smell? I got trouble. One of my crew got himself perished. Somebody stuck his blades in all his major organs in alphabetical order. Victims. Aren't we all? The guy that murdered Tintin. He was already dead. He died a year ago, the moment he touched me. I got a gun in my pocket. They're all dead. protestant noble. Supposed to be, man. Who got the tenement? He winked at me before he jumped out a fourth floor window like he had wings. Are you some kind of ghost? Boo. The crow is his link between the land of the living and the realm of the dead. C'est quand même le meilleur film. Batman et Robin. Ah, le meilleur pour la fin, évidemment personne l'a vu, la Cité des Anges. Ouais, je peux dire n'importe quoi, c'est trop bien. C'est trop bien. Il n'y aura personne pour vérifier. Ah, si t'arrives à me vendre un film avec Nicolas Cage, j'irai vérifier. Alors, c'est pas parce que je l'ai regardé que c'est mon film préféré, on s'entend bien. Est-ce qu'il a les cheveux longs dans le film? Non, il a les cheveux courts, le petit. Il a les cheveux courts. C'était un peu période Walt Disney, je pense. Sa meilleure période. Au niveau des cheveux. Ouais, c'était sa période. Sa bonne période ou la fin de la bonne période. Période 98. Hein. Oh, 98 le film, La Cité des Anges, c'est 98. Ah, oui, bah si, c'est ça. Ouais, c'est pareil. Vol de phase, Rock en 96, je crois. Ouais, ouais, et tout. Enfin, c'est dans cette. 60 secondes chrono aussi. Oh. Ouais, ça, ouais, non. Ouais, ouais j'ai pas vu ça. Ça m'inspire pas. Confiance. Bon, bref, on va revenir à la Cité des Anges parce que je sais que ça fait rêver Olivier. Ah oui, vas-y, j'en ai. Qui a vu. La bande-annonce. La bande-annonce. Oh putain, que c'est nié. Bah, c'est un film romantique, de base. Donc, à la base, c'est pas. Alors là, c'est pas forcément non plus ce qu'il y a de plus réaliste. J'ai dit que c'était nié. Ouais, bon. En fait, en gros, c'est bon. On a acheté un film de Brad Silberling. Alors là, connais pas, le gars. Je sais pas si vous connaissez. Non, normal. Bon, je pense qu'il a dû faire le film et puis après, bon, il a fait autre chose. Après, c'était lâché. Mais non, perso, franchement, honnêtement, bon, voilà, c'est pas un film. C'est pas le meilleur film du monde, quoi. Mais bon, ça se regarde, quoi. Ça se regarde. Même pour moi, ça se regarde. C'est pour te dire. D'ailleurs, tu l'as regardé, c'est assez épatant. Ouais. D'ailleurs, je l'ai vu au cinéma à l'époque. Mais parce que j'étais avec des copines aussi. En fait, on m'a traîné. C'est ça. Moi, c'était la fête du cinéma. Ça, j'ai eu peur. Non, bon, bref, pour revenir à ça, en fait, c'est l'histoire d'un gars, tu sais, avec la coluche, qui s'appelle Seth. C'est un ange parmi les anges. Oh, bah, c'est bien. Donc, il est asexué. Bah, quasiment, en fait, parce qu'en fait, du coup, les anges ou l'être de lumière, comme on appelle, enfin, comme ils disent dans le film, hein, parce que il dit que c'est pas un ange, c'est pas sa fonction première, on va dire. C'est plein d'anges de Los Angeles. Voilà, bah ouais. Faut vivre aussi. C'est gars. Non, c'est vrai qu'il fait un peu cassos dans le film. Hein. C'est vrai qu'il fait un peu perdu, le gars. Il fait un peu perdu, le gars, quand même. Mais en fait, la fonction, en fait, c'est d'accompagner les gens au paradis ou dans un endroit XY. Ouais, c'est pas la même chose. On sait pas. En fait, il explique pas trop son rôle. En fait, les personnes qui meurent voient Nicolas Cage ou un autre ange. Ouais, t'imagines. J'allais dire Nicolas Cage. Ouais, non, je préfère. Et parce que au début du film, en fait, c'est une petite fille qui est sur la table d'opération et qui meurt. Et tu vois la petite fille à côté de Seth, donc jouée par Nicolas Cage. Et Nicolas Cage prend la petite fille. Voilà. Alors quand il prend... mais c'est pour ça qu'il fallait regarder le film. Il prend la gonzesse, le mec. La petite fille, et il l'emmène dans un endroit, on ne sait pas. Ouais, donc on en était donc du coup à la petite fille. La petite fille. Sur la table d'opération. Ouais, bon, ça c'était pour poser un peu le film de ce qu'il faisait, en fait, son rôle là-dedans. Donc, en fait, son rôle c'est de regarder les gens, en fait, d'écouter leurs pensées, de les accompagner dans leur dernière demeure. C'est un psychopathe. Ou ailleurs. C'est ça, c'est un psychopathe. Et en fait, et du coup, il est. Enseignement généraux, c'est pareil. Donc, il est à l'hôpital, et là, il voit. En train d'opérer une jeune fille qui s'appelle Meg, qui est jouée par Meg Ryan. Meg Ryan, c'est rigolo. Ils sont foulés pour le... Ils sont foulés, hein. Maggie, en fait, elle s'appelle, hein. Pas Meg, mais bon, Maggie, il l'appelle Meg, peu importe. Et du coup, il tombe instantanément amoureux. La grande originalité, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu quand même un peu voyeur. Il la suit dans sa vie quotidienne, parce qu'en plus, elle est très triste, elle a perdu un patient sur la table, alors que voilà, que pour une opération toute simple, en fait. Et elle a eu l'impression, en fait, pendant qu'elle était en fait, elle a eu l'impression qu'elle avait pas la main dessus, quoi. Sur la en fait, entre la vie et la mort, elle s'est posé la question, en fait, c'est joué d'avance avant l'opération. C'est si le mec, son destin, c'est de mourir, quoi que je fasse, il va mourir. Et lui, ça l'a complètement un peu troublé. Donc du coup, déjà à la base, il tombe amoureux. Et il décide de se faire voir, c'est bon ça. De se faire voir. C'est-à-dire qu'en fait, il a la possibilité, déjà ils sont invisibles, mais ils ont la possibilité de se faire voir par les humains, en fait. Et du coup, il commence à parler avec elle au fur et à mesure du film. Et l'histoire, c'est l'histoire d'amour, en fait, qui se met en place. Donc elle rêve un peu de lui, sachant qu'elle est avec quelqu'un, avec un chirurgien. Alors vous l'avez pas vu, il y a une scène dans la salle de bain où elle se pose la question, elle fait, oh, avec ses yeux profonds et tout, il m'a regardé, elle était toute troublée, elle était toute chaude là. Enfin, j'ai mais trouvé elle ça le voit, un peu ridicule. Son mari le voit aussi. Non. Non mais en fait c'est pas son mari, en okay, fait son mari il a de... un rôle très secondaire, tertiaire, quaternaire, tout ce que tu veux. C'est juste pour dire qu'elle est mariée. Non, elle est pas mariée, elle est en fait fiancée à un grand chirurgien, etc., mais c'est pas le grand amour, quoi. C'est pas voilà. Et du coup le Nicolas Cage là, le 7, il rencontre en fait une personne qui est à l'hôpital qui avant de se faire opérer, et le gars lui dit je sais que t'es là, montre-toi. Et il est vachement surpris, et du coup il décide en fait de montrer, il lui dit comment tu sais que je suis là. Et bon, il dit viens, allez, on va manger un coup, lui, hein. Et du coup il lui explique, j'étais comme toi. Et le mec, il le croyait pas, il fait c'est impossible, nous on est des êtres à part, on peut pas. Il lui explique en fait sa vie, qu'il était tombé déjà amoureux d'une mortelle et qu'il avait décidé de casser ses ailes. Et en fait, tu casses tes ailes en fait en tombant en fait de très haut et de te cracher par terre comme une vieille mère. Non mais normalement, voilà. C'est les bonhommes qui cassent les couilles, ils cassent pas les ailes. Ouais, ils cassent les couilles, mais ça, c'est plus les bonnes femmes qui cassent les couilles. On se casse pas nous-mêmes les couilles, ça serait con, quand même. C'est vrai que ce serait dommage. Ça serait dommage qu'on se casse les couilles nous-mêmes. On sait que ça fait mal, quoi. Et voilà. Et donc, du coup, il dit... Voilà. Oh, bon. Du coup, alors, Seth dit la vérité à Maggie, du coup, et elle est très... Elle dit c'est pas possible, alors du coup ça remet en cause toutes ses croyances. Et en fait, pour être avec elle, il décide de casser ses ailes. Et du coup, il la rejoint dans un chalet dans la montagne, et il se retrouve. Voilà, c'est la joie et tout. Le mec, parce qu'en fait, le gars, il est incapable de sentir, de toucher, rien. Il ressent rien, en fait. C'est comme le un gars. Fantôme, en fait. En fait, c'est comme un fantôme, en fait. Il voit les gens vivre, mais il sait pas ce que c'est, parce que il a, il vit pas, il sent pas, il sent rien du tout. Et du coup, il découvre ça, en fait, avec Maggie, et ils sont dans un chalet. Alors, ils se sont retrouvés depuis à peine 24 heures. Et le matin, Maggie se lève, elle prend son vélo pour aller à l'épicerie. Elle revient en vélo, et là, elle se prend un camion dans la paillasse. Oh merde! Elle se prend un gourdin, mon salaud, Et là, boum, elle se fait écraser. Nicolas Cage, ben, voilà, il sent quelque chose. Seth, et il avait cassé ses ailes. Et il voit, en fait, il la voit au sol, et du coup, et il prend dans ses bras, et Maggie dit, je le vois. Et lui dit, non, le regarde pas, parce qu'il sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un autre qui va l'emmener, en fait. Et du coup, elle meurt. Donc il a même pas 24 heures avec elle. Putain. Et du coup, elle meurt et alors il tombe pas. Alors ouais, il y a une scène où il est déprimé, mais en fait très vite, en fait, un de ses amis, en fait, Ange, se révèle à lui et lui dit, bah, est-ce que tu regrettes ce que t'as fait? Et il lui sort, peu importe, ça vaut toute l'éternité du monde, à peine 24 heures avec elle, mais ça valait le coup. Bon, le film romantique, film romantique de base, quoi. Ouais. Et du coup, bah, il est condamné du coup à rester sur Terre avec. Dans le New Jersey. Non, du coup, à Los Angeles quand même. Ah, ça va. La Cité des Anges quand même. Hein. Ah, bah oui. Ah, oui. Voilà. Ah, oui. Quand même, quoi. Hey. Quand même. Penser à tout, hein. Ouais. C'est bien foutu. C'est quand même. Et voilà, et ça se termine là-dessus. Le mec découvre. Voilà, va au bord de la mer. Parce que. Il va au bord de la mer parce qu'en fait, tous les matins et tous les soirs, en fait, les anges se réunissent pour regarder le lever, le coucher du soleil. Et du coup, le mec, c'est bien, il est à poil sur la plage, il est hop, et il va dans la mer, et tout tranquille, et t'as les anges qui le matent. C'est dingue. Un gros dégueulasse. J'ai relevé une petite phrase, j'ai noté juste une petite phrase, parce que ça, je l'ai trouvée excellente. Je pense qu'on se serait marré. On se serait marré parce que, du coup, il demande... Dans le film, Maggie, le goût d'une poire, en fait. Il dit, est-ce que tu peux me décrire le goût d'une poire? Parce que moi, j'ai noté, parce que là, je me suis dit, ah oui, quand même, quoi. C'est profond, quoi. C'est quand même profond. Alors, parfumée, juteuse, douce sur votre langue, granuleuse comme du sable sucré qui se dessoud dans votre bouche. Alors, bon, comme ça, j'ai pensé à autre chose. Voilà. J'ai dit comme ça, j'ai dit ah oui quand même. Ça me dit qu'il y a la pub Lysopaïne en ce moment, c'est à peu près ça quand même. Ouais, ouais c'est. Ça veut dire que ça colle dedans. C'est ouais, bon, je dis c'est quoi. Ah, la poire, ça a ce goût là quand même. Hein. C'est... du coup, j'ai acheté des poires, mais c'était assez sec. Hein. Ouais, bon, bref. Et du coup, alors effectivement, c'est un remake. Parce que du coup, c'est un beau remake. C'est tellement un remake. Voilà, Les Ailes du Désir en fait, un film de 86. De Wim Wenders, effectivement, un film à la main, qui a eu une suite d'ailleurs, Si Loin, Si Proche. C'était un film de 93. C'est exactement le même scénario. Je me suis renseigné sur ces deux films et c'est exactement la même chose. Ouais, un ange déçu. Voilà, qui tombe amoureux, qui casse ses ailes. Et qui se fait casser le cul. Et qui aime la poire. Qui aime la poire. Alors, c'est pas lui qui aime la poire, mais. Mais c'est la fille, elle a aimé les poires. Ouais, elle est vendue comme ça, c'est. Il y avait une autre scène aussi, alors, une scène entre guillemets d'amour. Qui est assez, c'est assez spécial. En fait, je crois que la fille est en train de pignoler le gars en lui disant « Et alors, ça, qu'est-ce que ça te fait ?» Le mec fait « C'est chaud. » Et là, c'était quand même assez curieux quand même. Hein. C'était « Ah oui, bizarre, parce que du coup, c'est vrai que le mec, comme il sentait rien qu'il avait vu, il fait « Alors, ça fait quoi ?» Je dis, c'est pour ça qu'on filme pas. Hein. Interné au moins de... Voilà, et ouais, c'était un peu bizarre, cette scène, même pour moi, on peut dire. C'est bizarre, c'est la façon dont tu le racontes, en fait. Bah oui, mais bon, c'est, comme c'est imagé. Ouais, c'est ça le problème, c'est que le geste accompagne la parole. Ouais, puis, toujours. Ça, c'est plus imagé, quoi. Bah, c'est bien, tu vois un peu... Comme ça, t'as l'impression d'avoir ouais, bon film. Bien compris, oui. Voilà. Et si les anges étaient parmi nous, silencieux et invisibles? Le chirurgien dans la salle d'opération ce matin, elle m'a regardé moi. Et si l'un d'entre eux... Personne peut te voir, sauf si tu veux qu'on te voie. Tombait amoureux de l'une d'entre nous. Et si je veux qu'elle me voie? Pourquoi elle voudrait-tu? Pour pouvoir l'aider. Êtes-vous un visiteur? À qui rendez-vous visite? À vous. Si vous rencontriez l'être auquel vous étiez destiné, j'ai la conviction qu'il y a autre chose de plus grand là, quelque part. Plus grand que moi et plus grand que vous. Fermez vos yeux, sans sentir le contact de sa peau. Je suis là à vous attendre, à espérer que je vais peut-être vous revoir. Je ne vous connais même pas. Ni ses baisers. Vous avez senti? Non. Et que vous ne puissiez pas vous fier à vos yeux. Je veux te voir. Croyez-vous quand même? Laisse-moi te voir. À l'amour. Reste le temps que je m'entends. Dieu qui nous a permis de nous rencontrer si nous ne pouvons jamais nous aimer. Il peut renoncer à l'existence telle qu'il la connaît et devenir l'un d'entre nous. On choisit de tomber sur Terre. Et quand tu te réveilles en bas, tu es humain. Nicolas Cage. Meg Ryan. La cité des anges. Et voilà, c'était la cité des anges. C'était bien alors. Ça se regarde, ça dure pas longtemps, 1h20, 1h25. Tu vois, c'est pas un truc qui... Voilà, ça a pas duré 2h15 comme PSA The View ou un truc comme ça, le temps de mettre le truc en place. Hein. C'est pas une critique. Hein. Mais c'est comme ça, au moins t'en finis vite, quoi. Voilà. Mais ça se regarde, oui, c'est pas... C'est faux, on prend les courts-métrages, tu veux. Mais non, ça se regarde, y'a pas de... Voilà, voilà, mon petit chou. Et y'en a d'autres qui l'ont vu, alors, ce chef-d'œuvre ? Non. Non. Ouais, je pense, non. Histoire de fantôme, mais il y a une série comme ça qui passait sur la 6 à un moment l'après-midi. Bah, les routes des paradis. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas mal ça. Mmh. Ouais. Ça ressemble à ça quand même. Ah oui, le mec de la petite maison d'après. Ouais, d'accord, je vois. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça se regarde honnêtement quand si t'as pas envie de te prendre la tête. Voilà quoi. J'ai l'impression que c'est un peu le même message que ton film, Émilie. Oui. C'est profiter du moment, de la vie. Tu sais pas comment le prochain bus. Mais bon, c'est vrai de se prendre un coup de gourdin dans la paillasse à la fin, c'est quand même dommage. Parce qu'en fait, ouais, elle est sur son vélo, elle rêve, elle est amoureuse et tout, elle regarde pas la route et bim. Et ben elle est qu'à regarder la route. Bah, rend con là. Et voilà, c'est ça en fait. Ça rend con l'amour, c'est ça. C'est dommage. Elle était chirurgien, elle avait tout pour réussir, la pauvre. Quoi. Sauf la vie. Et ouais. Ouais, mais le bon point, c'est qu'elle a plus froid. Nous. Ah oui, là, c'est sûr que là, ouais, c'est bien dommage. Mais bon, non, ça se regarde, ça se regarde. Bon, bah. Alors moi, ça m'a fait penser, il y a un autre film avec Meg Ryan, mais je trouve plus le nom. Vous avez un message, hein. Non, pas du tout, c'était un film qui était plutôt pas mal, qu'on aurait pu choisir aussi. C'était avec son mari qui meurt c'est un pilote de Canadair. C'est pas Always. Always. Et c'était avec Dreyfus. C'est de Spielberg. Un film de Spielberg. Oui. C'est pas mal comme film. Ok. C'est vraiment bien comme film. Après ils ont fait les serviettes. Ouais, c'est pour ça qu'on s'est regardé, qu'on n'a pas osé. Tu peux oser. Tu peux le faire. C'est à ça qu'on en tenait. Mais Always est pas mal. Always est pas mal. Les Anglais aussi, enfin, c'est quand même leur spécialité. Comédie romantique, t'as quand même Love Actually, qui est un grand classique qui passe tous les ans à la Saint-Valentin. Oui. Qu'on aime les films chorales. Marche bien. Super, attends, avec Anne Binnaï et plein d'autres. Maggie Smith, tout ça, il y a un énorme casting. Oui, il y a un énorme cast sur le film. Qui est sympa, c'est un peu cocasse. Moi, à la base, le premier qui m'est venu, c'est 4 mariages et un enterrement. Qui m'a ramené à mon enfance et tout. Une enfance difficile, toi aussi. Le film, il commence par un mec qui dit 40 fois d'affilée putain, quoi. Parce qu'il est à la bourre et quand t'es petit, c'était génial, c'était trop punk, quoi. Ah oui, c'est pas vrai. Gros mot, tu vois. Et qui est cool. Ouais. T'aurais pu être barré de ça. Moi, j'avais commencé à regarder 4 mariages en temps, mais j'ai pas du tout. Ah ouais, mais c'est, ça a du mal. C'est sûr qu'on dit McDowell, maintenant. Oui, bah, c'est la plus long siège et compagnie, c'est pas. C'est le film qui m'a dit, pas que l'actrice, Julien. Mm-hmm. À côté de ça, il y a un autre film que j'ai adoré côté romantisme, c'est N'oublie jamais. Alors, je ne pourrais pas vous dire réalisateur, parce que là, c'est l'histoire de deux personnes qui sont dans une maison de retraite, un homme et une femme. L'homme raconte une histoire à la femme qui est en fait un Alzheimer. Et à chaque fois qu'il arrive à la fin de son histoire, la dame va se rappeler qui il est, en fait il s'agit de son mari. Donc il lui raconte leur vie en fait. Et le regain de mémoire dure que quelques minutes et après d'un seul coup elle oublie qui il est. Je connais pas, c'est Nick Kazelski. Et tous les jours il recommence et lui raconter la même histoire tous les jours. Donc plus ou moins tous les jours elle va se rappeler de lui et d'un seul coup elle peut l'oublier. C'est sympa. Non mais en fait il est énorme. Et il est génial. J'ai pleuré, mais pleurer ma maman, c'est horrible. Donc, ouais, il est sorti en 2004 et il est de Nick Cazavet. Cazavet ? Ouais. D'accord. Je connais pas. Franchement, il est triste, mais il est génial. Il est top. Il est top parce qu'il est triste. Que vous avez, je crois que c'est une fête avec Gloria. C'est non, il est profond et en fait, on voit la détresse du mec dans le sens où il a l'espoir que sa femme retrouve la mémoire, ne serait-ce que pour quelques minutes, et on le sent totalement désemparé et détruit quand à un moment sa femme lui demande qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ? Pourquoi est-ce que vous êtes là ? Pourquoi est-ce que vous me prenez le bras ? Lâchez-moi, j'appelle la sécurité. Mmh. Non, ouais, il y a quelques bons films. Moi, Beauté cachée, j'avais adoré. J'ai déjà regardé trois fois, c'est pour te dire. Oh la vache. Richard Norris. Non, Will Smith. C'est un film. Il y a Will Smith, il y a Keira Knightley, il y a Edward Norton. Qui d'autre ? C'est qui joue dans Titanic, là ? Kate Winslet. Kate Winslet. Ouais. C'est vraiment bien ce film, c'est vraiment bien. Bah, du coup, il y a Titanic aussi. Ouais, c'est vrai. Ah oui ? Bah oui, c'est, oui, c'est sûr. Benjamin Button aussi, c'est... Ouais. Ah ouais, je peux pas souvenir que c'était vraiment Fincher. Ah bah, ouais, en fait, c'est... Si, c'est elle est amoureuse, ils sont amoureux quand ils sont au même âge, mais après, lui, il rajeunit. Ah oui, il rajeunit. À un moment donné, ils ont le même âge. Oui. Mais à la fin, elle tient un nourrisson, quoi. Et elle est hyper oui, âgée. C'est un petit jeune. Carrément un bébé, là. Ouais. Sinon, moi je pensais aussi à Crazy Stupid Love, qui est une bonne comédie romantique. Vraiment sympa. Aussi avec Steve Carell, du coup, et Ryan Gosling. Ça marche bien. Ça. Ouais. Bon, bah voilà. Donc la prochaine fois, on va faire les extraterrestres. Donc moi, je parlerai de Predator. Julien, tu parleras de... Rencontre du troisième type. Émilie. Premier contact. Raphaël. J'ai trouvé pendant ce podcast... The Faculty. Oh ouais, pas mal. Rodriguez, mais The Faculty, pas mal. C'est un peu c'est sympa. Héloïse. Le cinquième élément. Walid. Moi, je sais plus. Sing. Ouais, The Sing de Carpenter. Bon, au pire, The Sing. Au pire, ou sinon, je changerai. Non, The Sing, c'est bien. Non, c'est bien, ouais. Et ben voilà. Bon, ben, au revoir à tous, à la prochaine. Bisous. Salut.